Grima. Bonsoir Ton. Bonsoir Jack. On se retrouve n'importe quand maintenant. Il y a des jours, il y a des machins. C'est n'importe quoi, j'arrive plus à suivre. Tu vois, regarde, je vois l'heure, là il est 11h, on n'arrivera jamais à faire tout. 11h du matin. Ouais, 11h du matin. Ouais. Sachant qu'il faut que je mange, alors que bon, toi t'es en vacances. Mais c'est pas la question. Pas besoin de refaire tout un petit résumé sur ce qu'on fait parce que la capsule elle a déjà été faite la dernière fois. C'est vrai ce que tu dis. D'ailleurs, petit point amusant, on l'a enregistré il y a une semaine pile, la capsule. Ouais. Elle sort normalement cet après-midi, mais elle est pas encore prête. Ah merde. Ça va être tordac, je vais m'amuser un petit peu moi tout à l'heure. Bah écoute, je te propose que directement on attaque. On va parler d'un groupe que, alors de mémoire, toi tu ne connaissais pas. Non, ça me disait rien. Non. Ok, ouais. D'accord. Ça me disait rien. Alors que moi, je le connaissais déjà. Un, parce qu'ils sont déjà passés au Hellfest en 2012 et en 2019. Ok. Qu'ils vont jouer cette année le dimanche sous Altar. Ouais. Et je les connaissais aussi parce qu'ils sont venus au Grave Zeppelin en 2019. Ah ouais? Ils étaient sous tête d'affiche. Enfin, non, ils étaient tête d'affiche d'un soir, mais sous la grosse tête d'affiche. D'accord, ouais. Ok. Ouais. Donc, et c'est là où je les ai vus la première fois en live. D'accord. Et il faut savoir qu'en 2019, on était un petit peu dans les débuts un peu de Road to Hellfest. Ouais. Et donc, ça faisait partie des styles dans lesquels on n'était pas forcément les plus réceptifs. Les plus réceptifs. Donc, parce que c'est quand même un genre un peu particulier. Oh, ça, oui. Tu pourras pas dire le contraire. Bah, et si je crois savoir de quel groupe on parle, hein, parce que peut-être pourrais me tromper. Peut-être. Ça n'est jamais arrivé. Si. Oui. On vient de mettre le doigt sur un truc. C'est déjà arrivé. Mais bon. Déjà arrivé ici. À peu près par là. Au fond. Ah non, je t'ai rajouté du boulot. Ah non. Ah le chien. En fait, le problème, c'est que j'ai pas m'en souvenir. Si, moi, je peux t'aider. Non, c'est pas ça. M'en souvenir de le remettre après. Bon, avant d'y aller, est-ce qu'on ferait pas un petit generic? Oh yeah. Normalement, t'as eu le temps de t'entraîner là. Bon, oh, bah là, tu sais, moi, j'ai pas besoin d'entraînement. Bien sûr que non. Générique, ça vient comme ça. Et oui. En plus, si je m'entraîne, j'ai peur que ça soit pas, tu vois. Naturel? Ouais, tu vois. Qu'il n'y ait pas ce petit truc. Ce petit truc ouais. Si particulier. Ok, bon. Okay. De bon matin. De bon matin. De bon matin. Oh, toi, Jack. Oh, moi, Jack. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, Tonaille, et toi? Es-tu ready? Toujours, toujours. Je m'envoie ravi. Moi aussi. Alors, pour les gens. Pour les gens. Sois gentil. Sois gentil, sois gentil. Comme Tonaille. Et c'est générique. Que de l'impro. Est trop fort, le mec. Générique. Ça n'avait pas trop de sens comme impro. Ah bon? Bah parce que t'as dit comme... Bah bref, c'est pas la question. Merci encore, c'était une super... Vous direz dans les commentaires si vous avez compris. Oui. On va donc parler d'un groupe qui a un style, donc comme je l'ai dit en intro, un peu particulier, à savoir un peu death, gore, porno, grind... ouais, qui fait un peu dans tous ces styles-là. Donc d'accord. C'est un mélange un peu de ce style-là. Qui donc moi je savais déjà que tu pouvais en avoir vaguement entendu parler, mais tu pouvais pas connaître parce que normalement c'est un peu rédhibitoire ce style-là pour toi. Oui. Mais oui. c'était effectivement un style qui l'était un peu pour moi parce que j'ai un peu l'impression que c'est difficile de rentrer dedans comme ça. C'est un peu dans la violence. C'est un peu, il y a pas grand chose qui peuvent te faire rentrer. Il y a pas de mode d'emploi. Ouais, faut que tu sois prêt. Ouais, bah c'est vrai que j'ai peut-être une petite porte de ce style-là, mais faut la défoncer en tapant très fort. Et du coup, est-ce que tu peux me dire de quel groupe on va parler? Ouais, je pense que tu vas parler de Sublime Cadaveric Decomposition. C'est exactement ça. On va parler de Sublime Cadaveric Decomposition. J'ai une question qui me trotte. Oui. Il est où le porno là-dedans? Ah, bah non, mais ça, alors, mais j'attends que tu m'expliques. Alors non, mais parce que c'est pas moi qui le dis directement, ouais, ouais. C'est eux qui se définissent comme tels. Et justement, c'est marrant que t'en parles parce que j'allais revenir un petit peu là-dessus. Donc c'est Sublime Cadaveric Decomposition qui est souvent marqué SCD, ouais, parce okay. que c'est un peu long. Oui, c'est vrai. C'est un peu long et des fois on a du mal à lire. Mais ça, c'est un autre problème, c'est par rapport à la police typée ouais. comme ça. Donc il s'est formé le 1er février 96. Ouh la vache. Ouais, donc alors février 96, j'en suis sûr, le premier un peu moins, mais comme je l'ai marqué, j'ai envie de faire confiance au mois du passé. Ouais, et ouais, donc ouais. qui a donc fêté en février ses 40 ans de carrière et j'ai regardé sur leur réseau, ils l'ont pas notifié. Donc mais bon, ça c'est un premier point. Ouais. Donc il s'est formé en région parisienne et qu'avait envie, on va dire, comme esprit, c'était de développer de la musique la plus extrême possible. Ah oui, d'accord. Donc vraiment, dans l'idée, ça faisait partie d'un truc, c'était très très très extrême. Et pour preuve, jusqu'en 2006, leur composition musicale, elle ne contenait aucune parole. Toutes les voix n'étaient que des sons gutturaux et des cris. Ok, d'accord. Vraiment, il n'y avait pas de parole. Ah ouais. Ça faisait partie de leur volonté, en fait, ouais, de faire okay, un truc d'accord. qui était le plus extrême possible. Mmh. Et donc, comme le déclare Seb, le chanteur, donc c'est un groupe de porno extrême gore qui font avec différentes doses de death, de grind, de crust, de black et de gore, variant d'un album à l'autre. Les trois premiers albums complets, donc entre 96 et 2003, ont marqué les années underground gore grind du groupe, avec des œuvres de haut niveau de porno grind. Et le quatrième album, par exemple, Inventory of Fixture, produit en 2007, explore les influences crust présentes depuis le début, mais qui n'ont pas été aussi mises en avant. Tu vois, et les œuvres okay. d'art qui font les pochettes, par exemple, mm-hmm. elles suivent un peu l'évolution. Le cinquième album, Ship and Ghost, enregistré en 2011, avec un son propre et chirurgical, fusionne davantage d'influences de death metal et de grind and roll. Mm. Et le sixième album complet, Rapping Angel in Hell, sorti en 2017, est le fruit de toutes les influences et expériences accumulées au fil des années. Les influences du porno gore sont de retour, il y a aussi quelques références orientées black metal. D'accord. Donc là, c'est lui qui le dit au cours d'une interview. Hein. Donc vraiment, je cite Seb. Hein. Ouais. Et donc, ce qui est marrant à travers ça, c'est en fait, je peux te rejoindre là-dessus, dans le sens où moi, gore grind, j'arrive un peu à situer, mm-hmm. mais après toutes les petites déclinaisons comme porno grind et tout ça, beaucoup moins. Donc je serais pas ouais. à même de te répondre. D'accord. Je suis comme toi, je fais pas forcément. Autant je peux voir un peu les influences crust, death and roll et un peu death. Ça, je vois toutes les petites influences qu'il y a. Autant après, dès qu'on part dans du grind et dans toutes les subdivisions du grind, je suis moins à l'aise ouais, aussi. Okay, pour, voilà. Ouais, ouais. Mais je ne rentrerai pas dans le truc de dire que c'est que du bruit. Mm-hmm. Donc la particularité. Pour moi, de Sublime Cadaveric Decomposition, c'est qu'au travers de ce mélange des styles un petit peu grind extrême, eh ben, je trouve quand même qu'ils arrivent à apporter quelque chose d'étonnamment très très mélodique, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui, moi, musicalement, m'a touché au début, parce que même si j'ai pu être un peu réticent sur le côté chant, qui est quand même, bah, au début, qu'il n'y avait déjà pas, mm-hmm. mais qui était vraiment un enchaînement de bruit qui passe par tout ce qui était possible, eh ben, ça, en général, je suis pas client. Mais il y avait quelque chose musicalement qui arrivait à me rattraper et c'est un peu le mélange des deux qui m'a vraiment plu et c'est ça que je voulais faire un peu découvrir avec toi. D'accord. Donc je vais revenir un petit peu rapidement sur 2-3 trucs que j'avais notés. Ils ont d'abord commencé avec une première démo qui était un split en 97, donc juste un an après, donc avec le groupe Infected Pussy. Ouais. Après en 98, un autre split avec Rot. Et après leur vrai premier album, il est sorti, comme je l'avais marqué, en 2001, en mars 2001. C'est là qu'il y a eu le vrai premier album, qui a plutôt pas trop mal marché. Enfin, en fait, c'est toujours le même problème. Ça a bien marché dans le milieu underground. Oui, oui. Voilà. Il y a eu un deuxième album. Je l'ai pas noté là parce que ça passe directement au troisième album parce qu'en fait après tout est un peu mélangé dans mes notes. Et ah, c'est ça moi, qui est c'est rigolo. Vrai que moi je vois pas 2001. Moi, premier album 2001, deuxième album, enfin 2002 pardon, encore un split avec Serum Sickness. Ah, oui. Deuxième album intitulé 2 en 2003. Voilà, troisième, encore un split en 2006, mais là j'ai pas trop compris, ça a l'air de faire partie d'une espèce de compil, je suis pas sûr, en tout cas c'est, j'ai pas forcément, ou alors c'est avec Slim Wave Edition, mais c'est Two of Six, donc je suis pas sûr, là vraiment, renseignez-vous les gens. Troisième album en 2007, Inventory of Fixture, quatrième album, Ship and Guns en 2011, Rapping in Angel in Hell en cinquième album en 2017, donc là il y a eu 10 ans qui sont passés. Ouais. Et The Macabre Voodoo Messiah of Masochism and Fetishism, sixième album en 2025, donc 2017 à 2025. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout au long de la carrière du groupe, il y a eu pas mal de changements de line-up. Seb est resté, le chanteur est resté depuis le début, mm-hmm. Donc c'est lui qui chapeaute vraiment le projet. Il y a eu pas mal de membres qui sont venus, pas mal de membres qui sont partis. Moi, quand je les ai découverts, en 2019, ils étaient en trio. D'accord. D'accord. Ah ouais. T'avais le batteur qui n'est plus là aujourd'hui, si je, normalement qui n'est plus là, et le guitariste. La particularité, c'est qu'il jouait avec un ampli guitare et un ampli basse. Donc il faisait les deux avec une seule guitare. Et ça, ça m'avait trop marqué quand je les avais vus au Graff, parce que j'étais subjugué par le truc. J'ai dit, putain, mais ils jouent les deux. Alors je sais même pas techniquement comment ils font. Mmh. Je me suis pas penché sur le sujet. Okay, ouais. Mais en tout cas, sa petite technique. Voilà. Et du coup, qui venait faire ça. Et je les ai vus sous la forme de trio. Au Hellfest, je les ai vus aussi sous cette forme-là. Alors que je sais qu'il y avait un quatrième membre, mais je sais pas s'il était encore là à ce moment-là ou il était parti ailleurs, qui s'appelle Duff, qui est aujourd'hui le compositeur majeur de tous les morceaux. Là où Seb s'occupe de toutes les paroles, maintenant qu'il y en a. Ouais. Et après, je sais que sur le dernier album, il y a eu un peu plus d'autres compos. Il y a eu, comment il s'appelle, je dis pas de conneries, il y a eu trois chansons qui ont été écrites par Thomas, qui est l'autre guitariste. Ouais, ok. Donc tu vois, moi par rapport à la version que j'ai vue en 2019, c'est plus du tout le même groupe, en dehors de Seb, le chanteur. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, tu vois, oui, c'est une autre version. Voilà, c'est une. Donc si on s'arrêtait vite fait un petit peu sur le dernier album, donc c'est le groupe, ils en parlent en disant 13 chansons de textes de satanique pornogore. Allez, un petit appel. alors ça, c'est pas Sublime Cadavérique Decomposition. Non, pas du tout. Donc satanique pornogore, agrémenté de musique extrême et brutale. Encore une fois, le dessin a été réalisé par Seb. C'est lui qui a fait toutes les pochettes depuis le début du groupe. Et il y a une chanson qui voit la participation de Julien Truchant, chanteur de Benighted. Et comme je le disais, il y a eu trois morceaux qui ont été composés par Thomas. Le reste, ça a été fait par Duff. Donc, bien sûr, quand tu regardes les titres, il y a beaucoup de trucs un petit peu particuliers, comme en anglais, mais traduit, ça fait nu devant les croque-morts, la fumée du crématorium purgatoire. Non, il y a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, c'est un groupe qui est vraiment full extrême, qui joue la carte à fond. Et j'ai même pu. Il y a plein de choses que je pourrais encore dire, mais j'ai même vu une. Comment ça s'appelle Tu vois, alors, quand on leur demandait, mais pourquoi il n'y a pas. De chant au début, enfin pourquoi il y a que des cris, et en fait pour Seb lui il dit ça fait partie du concept de brutalité depuis le début du groupe, nous cherchons à nettoyer tout ce qui ne semble pas essentiel dans cette approche, tu vois, il y avait une vraie volonté, il y avait une démarche, quoi. Il y avait un truc, nous à ce moment-là nous prétendions retirer les paroles et titres des chansons et des albums sans avoir de message à partager à part cette agressivité musicale, c'est quand ils ont intégré plus d'influence crust qu'il y avait plus de sens pour lui de rester sur ce concept initial, donc il a voulu faire évoluer la chose, quoi. D'accord. Mais tu vois, il dit même avant la création du groupe, j'aimais toujours grogner les paroles de mon groupe préféré, les paroles commençaient à me manquer. C'était le bon moment pour commencer. Oui, d'accord, ouais. Cela semble évident, mais quand l'équilibre entre texte et positionnement est efficace, cela enrichit beaucoup le morceau, mais il faut beaucoup de temps pour maîtriser l'exercice. Tu vois. Il dit que pour être honnête, je ne pense que ce n'est qu'en 2014, sur les compositions de notre dernier album, donc de l'époque, que je me suis senti à l'aise et satisfait du résultat. Tu vois. D'accord, ok. Tu vois, et donc comme je te dis, il y a eu pas mal de temps aussi, c'est parce qu'ils avaient tendance à beaucoup tourner pour leur album. Il dit, ils tournent à peu près sur 3 ans avant de recomposer un album et de, voilà, tu vois. Ouais, d'accord. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Donc il y a eu plusieurs changements de line-up, Seb est resté, et aujourd'hui, bah, ils reviennent pour la nouvelle édition du Hellfest. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, je trouve vraiment, il y a beaucoup de morceaux qui, musicalement, je trouve que ça groove, qu'il y a un vrai truc, qu'il y a des vrais passages que j'adore musicalement. Là où c'est pas du tout le genre de groupe que je pourrais, que je pourrais aimer écouter comme ça, eux, ils m'ont impacté vraiment fort. Et j'en arrive même derrière à apprécier cette forme de chant. Et en fait, je comprends ce que cette façon d'interpréter les morceaux vient apporter musicalement. Oui, tu vois, là où justement, peut-être qu'un chant trop propre viendrait un petit peu. Noyer l'ensemble. Ouais, là, je trouve. Dénaturer. Voilà, t'as raison. Dénaturer, c'est le meilleur terme. Dénaturer, justement, leur truc de base. Okay. Mais du coup, toi, qui a découvert ce groupe, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben. Alors là, du coup, je pense que, contrairement à toi, j'ai pas encore cette oreille parce que, dès les premières écoutes, j'ai fait waouh. T'as fait un rejet? Non, j'en suis plus là. Non, quand même. Non, vraiment. Bah, j'en suis pas, à comprendre, déceler. J'ai pas encore l'oreille assez guérie pour aller justement détecter des petits instants crust ou des petits machins. Mais, moi, ça m'a fait l'effet un peu assez plat dans le sens où je réceptionne pas. Je ne pas très bien. Voilà, je veux pas non plus simplifier, mais à mon oreille, c'est gore grind. Voilà, ça reste fun. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, du coup, je me sens un peu, je respecte pas, tu vois, parce que moi, je le vois que pour un délire, tu vois. Alors d'accord, que, c'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément que du délire, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, je le ressens que comme ça. Tu vois, si je vois Hellfest, je me permets. Ah oui, tiens. C'est parce que comme il est un peu décalé, c'est pas grand chose, hein, mais. Et non, mais donc j'en reste encore bien loin de ce style en fait, tu vois. Ouais, j'ai déroulé un peu, j'ai ouais. déroulé pas mal, j'ai pas tout écouté parce que c'est vrai que j'ai du mal à rester trop longtemps sur ce style-là. Et non, ça me parle pas. À part, je te dis, pour aller y délirer, voilà, c'est tout ce que je pourrais, donner pour ce style un peu de moi-même, tu vois. Mais tu sais, aller délirer, ça peut être une porte d'entrée, c'est pas parce que t'es pas. Ouais, je me rappelle que moi, au tout début, je le comprenais pas du tout, du tout. Alors, je dis pas que je comprends. Non, mais c'est plus, normal, je comprends ce que tu veux dire. Mais je me rappelle qu'en avoir parlé avec Bob et tout, il m'avait, il m'avait apporté un peu ce côté-là. Ouais, faut pas se prendre la tête, tu sais, c'est le délire. Ouais, ça, c'est quand il parlait du genre de base. Peut-être, oui. Du genre, je crois qu'il parlait, de ce groupe-là. Non. Là, c'est pour c'est ça, il parlait moi, du. J'ai découvert par d'autres. Ouais, ouais. Oui, mais ça, c'est parce que lui, il fait référence à Guttalax ou des trucs comme ça aussi. Peut-être, ouais, peut-être que moi, je connaissais encore pas du tout. Ah, ouais. Et vraiment, le style, moi, je découvrais complètement, quoi. Et donc voilà. En tout cas, pour Sublime Cadaveric Decomposition, j'en suis encore bien trop loin. C'est pas du tout ma cam, voilà, pour ce que j'aime écouter en tout cas. Okay. Après, de là à dire que j'aimerais pas du tout aller voir, bon, je pense pas. Je pense même peut-être que je pourrais vivre un bon moment, que ça pourrait être une bonne surprise, mais pour du live. Bah ouais, enfin, je pense. Peut-être ouais, plus pour du live, voilà. Ça, je pense que ça me parlerait plus. Et voilà, mais c'est vrai qu'à écouter comme ça, je prends pas forcément un plaisir, même minimum. Il aurait fallu que j'essaye de t'orienter sur des morceaux que je trouve vraiment ouais, peut-être avec quelques indices, est-ce ouais. que ceci cela peut-être mais voilà, après ça ne changerait pas que sur une écoute globale sur sa généralité, voilà. Je resterai quand même assez j'entends sur cette position là quoi, mais j'entends, mais bon, ça reste une découverte, c'est toujours intéressant. Ouais, et puis franchement, je te jure, si jamais tu te décides à y aller, bah tu verras que il se passe un truc en live quoi. Ah ouais, ça j'en doute pas. Je terminerai sur un petit point assez amusant, c'est que j'ai écouté une interview parce qu'ils ont fait, il y a un podcast qui vient parler de la santé dans le métal, un petit podcast qui est présenté par une jeune fille ou une femme, enfin que je connais pas du tout. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle l'a interviewé donc Seb, et Seb du coup, bah quand il parle ultra calme. Ah oui. En fait, il fait partie, alors, je vais pas dire de ce cliché, mais tu sais qu'on a déjà entendu plein de fois du mec qui dit, moi, je suis très calme dans la vie de tous les jours. Par contre, sur scène, je donne tout, quoi. Voilà, je donne tout, ouais. Et c'est là où vraiment, la forme de brutalité qu'il peut avoir en lui ressort. Tu sais, autant toi, tu le connais pas et tu vois cette distinction. Oh, t'imagines ceux qui le connaissent. Ah, je le voyais pas comme ça sur scène, dans la vie, tu es très calme. Bah, ça fait bizarre de le voir comme ça. Il est en colère, en vrai. Toi. Et, ah bah attends, d'ailleurs, je l'ai vu en 2000. Oui, c'est ça, j'ai vu en 2019. Non, bah, attends, il y a un problème. Dans les dates. 2019, voilà. T'avais dit au ouais, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai vu. En fait, j'ai fait un truc de bâtard. C'est-à-dire que je l'avais pris en photo, je crois, au Hellfest, le chanteur, et au graphe, j'ai arrivé en lui montrant une photo de lui que j'ai prise. Tu sais, hey, regarde, c'est toi. Il fait, hey, cool. et donc, dans l'interview, ce qui était intéressant, c'est que justement, elle revenait sur lui, comment Seb, il abordait toutes ces années. Comparé à avant, il dit qu'effectivement, bah non, aujourd'hui, il fait plus autant la fête qu'avant. Ouais. Il est obligé de s'entraîner un petit peu pour se maintenir. Mais c'était marrant, justement, il a vraiment un vrai discours posé du truc. Et ça, c'est hyper intéressant de voir ça, justement, de toute cette différence que tu peux avoir du mec qui est capable de t'expliquer toute la violence dans ce qu'il fait, mais en mettant d'une manière posée. Ouais, et c'était pas mal, quoi. Ça fait un contraste. Ouais, ça fait un contraste. Vois, ouais. Et le fait d'en parler. C'était pas mal. Non, et justement, que lui aussi expliquait qu'à travers tout ce qu'il pouvait proposer, même dans ses textes et tout ça, c'est aussi forcément une manière de relâcher la pression de la vie de tous les jours. C'est aussi son truc, là, quoi. Oui, je pense que ça doit aider. Et puis surtout que, c'est pas avec ce groupe qu'il va s'enrichir, comme il le disait aussi. Donc, il y a un travail à côté, donc faut arriver à tenir. C'était un petit truc en plus. Donc content d'avoir fait découvrir ça. Mais désolé que ça n'est pas. Oh mais ne le sois pas. Ça reste une découverte, c'est toujours intéressant. C'est vrai ce que tu. Bon on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. À très bientôt. Merci beaucoup Tonai. Salut Jack. À bientôt. À bientôt les gens. Salut. Désolé.